On va parler des Sabres de Roberval avec notre ami Jason Lajeunesse. On rappelle que cette chronique est une commandite du groupe Véro, des autobus Véro de Saint-Félicien. Ça a été en fin de semaine premier showcase. On va en parler avec Pierre-Luc Martin demain pour savoir, mais ça devait être concluant. Quoi qu'il en soit, c'était très concluant pour les Sabres, deux victoires. On en parle avec l'instructeur Jason Lajeunesse. Salut Jason! Salut Danny. Jason, d'abord, si on parlait de ce premier match qui a été remporté par les Sabres 3-0 contre les Éperviers. Oui, on a apporté là, ce match-là 3-0. On a bien décollé le match. Là. On a scoré 3 buts, je pense, dans les 12 premières minutes de jeu. Puis ensuite de ça, là, il s'est rien passé. On a fermé le jeu. On a essayé de contrer l'adversaire, comme on dit, là, ouais. De ne pas donner de chance de marquer. On n'était pas de gros joueurs là, les deux matchs. Là, j'ai joué à 14 puis à 13 joueurs là, les deux matchs en fin de semaine. Non, c'est pas gros. Fait que c'est pour ça que j'ai fermé un petit peu plus le jeu là, samedi pour se garder un peu des jambes là, pour dimanche, là, pour le deuxième match en deux jours. OK. Dans ce match-là, on a noté que Simon Dumas a marqué un but de passe, un but pour Vincent Gagnon, puis un but pour Charles Morin. Et dans l'autre match, vous les affrontiez, je pense que c'est Alma, c'est ça? Oui, les Aiglons, oui. Oui, et c'est une autre victoire. Oui, un début de match là, qui laissait à désirer. Notre premier chiffre, là, je pense qu'il n'y a même pas 10 ou 12 secondes de jouer là, au match, puis on perdait par déjà un but. Disons qu'on a mal débuté, mais on s'est très bien repris. Là, les petits gars ont très bien joué du début jusqu'à la fin du match là, pour l'emporter 6-3. Là, qu'on a très très bien joué. Okay. On a dominé ce match-là là, du début jusqu'à la fin. Okay. En fin de semaine, un seul match? Oui. Contre les Aiglons d'Allemagne, encore une fois. Oui. C'est au centre sportif Benoît Lévesque. À quoi tu t'attends pour ce match-là? Je m'attends encore à une grosse performance de notre part. Là. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Là. Depuis 2-3 semaines, là, on joue du bon hockey. On est tout le temps dans le match. Donc, tu sais, c'est de bon augure là, pour le reste de la saison. Là. Les petits gars commencent à connaître le système de jeu aussi que j'ai essayé d'instaurer. Donc, tu sais, là-dedans, ça va beaucoup mieux. Fait que plus le temps passe et plus mieux ça va là, pour nous là, à Roberval. Il va-t-il avoir plus de joueurs prochainement? Comment ça s'enlève? On essaie. On a des joueurs qui sont à l'extérieur, on a des joueurs blessés. Ouais. C'est le junior. Mm. J'ai deux ou trois joueurs qui sont blessés. Là, je ne sais même pas quand ils vont venir. Il y en a un peut-être à Noël, puis l'autre, on ne sait même pas s'ils vont venir cette année, là, comme une commotion cérébrale. Ouais. Donc, c'est des petites choses qu'on peut pas contrôler présentement. Ça fait qu'on a des joueurs en moins, oui. Après ça, ben, vous le savez, hein, dans le junior, c'est le travail, puis les études qui passent avant tout. Mm. Donc, c'est difficile. Quand tu as des joueurs qui sont à l'extérieur, qui vont à l'école extérieure, c'est un petit peu plus difficile, mais c'est pas grave. On fait avec ce qu'on a. Hein? Oui, effectivement. C'est ça le junior dans notre région. Ouais, ouais. Puis, mais à date, les petits gars, ils répondent bien. Puis, quand tout le monde est là, ben, ça va être encore mieux. Ben oui, c'est sûr. Jésus, on s'en reparle quelque part mercredi prochain. Oui, il n'y a pas de problème. Et on rappelle que cette chronique est une commandite des autobus Véro de Saint-Félicien.